Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est bien sur Fadjet et c'est samedi et c'est l'heure du disco et du funk. Enfin, plutôt la nuit d'ailleurs. Direction le sud pour notre découverte. Le groupe Saint-Tropez, qui n'a rien à voir avec le gendarme, je vous rassure, va ouvrir notre émission. Son titre, One More Minute, est extrait de l'album Belle de Jour, sorti en 1978. Alors, à la base, il s'agit d'un groupe nord-américain, mais ce dernier va décider de conquérir le public français. Ils ont sorti en tout 4 albums de 1977 à 1982. Un autre titre, Fill My Life With Love, connaîtra aussi le succès. Allez, on va débuter dans une minute. We'll be right back. Alors, pour la suite, aujourd'hui, exceptionnellement, un événement spécial. C'est l'anniversaire d'un très bon ami à moi, Jean-Louis B. de Moivron. Comme ça, ceux qui le connaissent le reconnaîtront et lui se reconnaîtra, qui a aujourd'hui son anniversaire. Donc c'est une personne qui a beaucoup compté pour moi, qui m'a fait découvrir toutes ses musiques, le disco, le funk et compagnie. Donc je voulais lui rendre un petit coucou, je sais qu'il écoute notre émission et qu'il est très fan. Et alors ça va être en souvenir de tous les titres qu'il m'a fait découvrir. Toutes les soirées au New York, au dernier sou, comme tu disais. Et son surnom c'était Le Grand, mais pas comme Jacques Mesrine bien sûr. Alors on va dire en dédicace à toutes les malheureuses qu'on a fait et qu'on fait encore, je vais te diffuser Alisha Baby Talk. Bon anniversaire Jean-Lou. Mr. Funk sur Fadjet. Ah, j'aurais pas dû faire une telle annonce, le standard est en train d'exploser. Alors, pour calmer tout ça, on va continuer avec la rubrique la BO du film You Can Stop the Music. Aujourd'hui, pas de Village People, mais The Ritchie Family avec Give Me a Break. Sorti en 1980, le groupe a déjà auparavant figuré dans un autre film, Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette, tout comme Village People d'ailleurs. Alors c'est sûr que c'est pas leur titre le plus connu, mais moi je trouve qu'il vaut quand même le détour. Bah je vais vous laisser juger ça par vous-même. Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Alors, c'est l'heure du maxi et je vais vous diffuser une tranche d'Imagination. Extrait de l'album éponyme In the Heat of the Night, le titre est sorti en 1982. Il s'agit du second album du groupe et celui d'où est extrait Music and Light. Il atteindra la 22e place des charts anglais et la première en France. C'est l'album aussi le mieux classé du groupe. Alors je pense que vous allez vous faire tout de suite une idée du titre. When you're out on your own. Ah, la pépite, c'est le moment que je préfère. On y découvre des titres qui passent peu ou pas à la radio. Aujourd'hui, Evelyn King et son titre Back to Love. Extrait de l'album Get Loose, sorti en 1982, le titre ne va pas connaître la notoriété des précédents comme Love Come Down ou I'm in Love. Bon, je le trouve idéal pour passer dans notre émission, alors prêt pour le décollage, c'est parti! We'll be right back. Ah, c'est déjà la fin, mais bon, je vous dis à la semaine prochaine déjà, sûrement. Passez un bon week-end, une bonne soirée, une bonne semaine. Bye bye.